Mag. Toute l'actu en Touraine sur Radioactive. Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur Radioactive. Et aujourd'hui dans ce Mag reportage, on va aborder un sujet difficile, sensible mais essentiel, les violences sexuelles faites aux enfants. Au lycée Léonard de Vinci, une journée de sensibilisation était récemment organisée à l'initiative de Garlone Dreneuc, enseignante documentaliste. Toute la matinée, les lycéens ont assisté à la projection du court-métrage « Sidération ». Dans ce film, sa réalisatrice, Gila Braoudé, raconte sa propre histoire de victime avec l'objectif de briser le silence et de libérer la parole. Après la projection, un temps d'échange était proposé avec la réalisatrice. Puis l'après-midi, plusieurs ateliers thématiques ont été organisés avec différents partenaires, la protection maternelle et infantile, le centre départemental d'accès au droit, le CRIAVS, centre Val-de-Loire, France Victime 37, la gendarmerie ou encore l'assistante sociale du lycée. Radioactive était sur place et a tendu son micro aux différents participants et intervenants. On commence tout de suite avec Garlone Dreneuc qui nous explique comment est née cette journée et pourquoi il lui semblait important d'aborder ce sujet avec les lycéens. Nous entendrons ensuite les réactions de trois lycéennes, Belkis, Meredith et Mélissa. Nous retrouverons ensuite, enfin, les différents partenaires présents tout au long de cette journée. C'est parti! Nous sommes avec Garlone Dreneuc, donc enseignante documentaliste au lycée Léonard de Vinci à Amboise. Bonjour Garlone. Bonjour Marlène. Est-ce que Garlone, tu peux nous expliquer ce qui se passe aujourd'hui au lycée Léonard de Vinci? Alors aujourd'hui, c'est une journée dédiée à la prévention, à la sensibilisation sur les violences sexuelles commises sur les enfants, à destination des filières ST et 2S, donc les futurs professionnels de demain qui potentiellement auront à être confrontés à cette problématique. Et donc l'objectif, c'est de leur donner des outils de compréhension de ces faits-là et aussi des relais? Tout à fait. Qui comprennent quelques mécanismes qu'il peut y avoir derrière des victimes et des agresseurs, voir comment les agresseurs s'y prennent et puis surtout comment repérer un comportement anormal, inapproprié d'un comportement normal. De leur expliquer aussi que souvent les victimes, notamment jeunes, ne parlent pas forcément. C'est pas systématique, un trauma et puis déjà le lendemain il y aura la confidence parlée, mais plutôt être attentif à des signes comme des moments par exemple des changements radicaux chez un camarade ou chez elle-même, chez eux-mêmes. Ça peut être des moments de colère, ça peut être de la honte, de la peur, il y a beaucoup de culpabilité où on parle aussi de troubles alimentaires. En fait, tout ce qui, à un moment, il y a comme une cassure dans le développement de la personne et qui doit nous alerter. En gros, c'est à la fin de la journée, la semaine prochaine, on continue un petit peu pour débriefer, mais qu'ils sachent au moins où se situer autour de trois verbes d'action. Repérer, signaler, savoir à qui signaler justement, et ensuite agir pour sortir les victimes des situations complexes dans lesquelles elles sont. Tu as évoqué la prise de parole qui est toujours compliquée et qui met parfois de longues années. C'était le cas justement de Gila Braoudé que tu as accueilli aujourd'hui ici au lycée. Donc elle est réalisatrice du court-métrage « Sidération ». Comment tu as construit cette journée autour de ce court-métrage ? En fait, ce court-métrage, il est très bien fait. Il est tout en finesse. Et puis c'est aussi le témoignage d'une dame d'un certain âge. Si ça avait été une jeune fille, il se serait peut-être trop identifié et du coup, ça aurait été peut-être trop brutal pour eux. Quand on est heurté, on peut se bloquer. Et du coup, l'objectif de prévention n'y était pas. Donc, son film, c'est vraiment le témoignage d'une personne qui a une soixantaine d'années, qui a fait son chemin, qui a réussi malgré tout sa vie et puis qui, à force de réminiscence, évoque avec ses enfants l'inceste qu'elle a subi jeune. Mais cet inceste, elle l'a révélé à ses enfants quand ils avaient à l'âge de l'adolescence à peu près. Et puis il y a eu un temps comme ça un peu d'amnésie traumatique où il y a eu le déni de toute la famille. Ça, on a passé, et elle-même a passé ça un petit peu sous silence. Et puis ça lui revient un peu en pleine face au final vers ses 60 ans et elle fait le point, elle pose ça sur la table avec ses enfants, donc on aborde un peu le poids lourd des secrets intergénérationnels, la culpabilité, comment à ce que la victime se reconstruit. On a pu échanger avec des lycéennes qui nous ont parlé de ce thème-là. Qu'est-ce que tu aimerais, toi, aujourd'hui, Garlone, qu'elle retienne ? Alors, elle et il, évidemment, mais tous ces jeunes, ces lycéens, s'il y a vraiment quelque chose, un élément principal que tu aimerais qu'ils ressortent de tout ce processus d'information que tu as pu faire autour des violences sexuelles faites aux enfants ? Ben en fait, ce serait que ils acceptent en fait de prendre la mesure de ce fléau, que avec leur rôle un peu de lanceur d'alerte, qu'ils puissent repérer des signes, soit dans leur entourage ou avec les futurs usagers qu'ils vont rencontrer, qu'ils soient capables de repérer et puis ensuite de faire ce qu'il faut, de prendre leur rôle de citoyen et de futur professionnel pour signaler et pas forcément agir à leur niveau. Mais là, ils vont voir tous les partenaires cet après-midi. Donc, pour dans le concret, comment est-ce qu'on peut aider une victime s'ils doivent recevoir la parole ? Et puis, voir qu'ils ont un rôle à jouer, voilà, et qu'ils prennent conscience et qu'ils aient le courage de jouer ce rôle dans leur vie de citoyen et dans leur vie de futur professionnel. Oui. Si on veut que la société, oui, de futurs parents, si on veut que la société, elle bouge un peu, il faut aller à la racine, en fait. On a tous un petit rôle à jouer à notre niveau. Donc, voilà. Et puis là, justement, c'est cette période, elle est propice à ce que ça bouge. C'est quelque chose que tu me disais hors antenne, c'est on est dedans là. Pourquoi ? Oui, on est un peu à un tournant au niveau des droits de l'enfant, parce que là, les dernières décennies, ça bouge beaucoup au niveau de la libération de la parole de la femme, mais pas que. Hein. Il y a MeToo 2017, MeToo inceste maintenant, de plus en plus de scandales qui sont médiatisés, du coup, de plus en plus de victimes qui osent parler et puis passer la porte d'un commissariat. Il y a énormément de choses encore à faire au niveau législatif, mais on est sur le bon chemin. En tout cas, bravo, parce que fallait oser le faire. C'est important de le faire. Et bravo d'avoir pris cette initiative, Garlone. On va aller justement rencontrer un petit peu les partenaires que tu as invités aujourd'hui. On retrouve la gendarmerie, France Victimes, le CDAD37. Donc là, on est plutôt sur l'aspect accès au droit, la PMI, le CRIVIAS. On va aller discuter avec tous ces intervenants. Merci de ton accueil. De rien. À bientôt. Merci. À bientôt. Donc, on est là au Centre de documentation et d'information du lycée Léonard de Vinci à Amboise. On répond à l'invitation sympathique de Garlone Dreneuc, qui est sur tous les coups, Garlone, et qu'on salue, qui est à côté de nous. Et donc, cette journée, elle est consacrée aujourd'hui au lycée aux violences sexuelles faites aux enfants. Et pour en parler, eh bien, nous avons des lycéennes autour de cette table. Est-ce que vous pouvez vous présenter, les filles, votre prénom, votre âge et puis votre classe, s'il vous plaît ? D'accord, du coup, moi c'est Meredith Gray, j'ai 16 ans et je suis en première ST2S1 au lycée Léonard de Vinci. C'est vraiment Meredith Gray alors du coup ? Ah ouais, je pensais que c'était une blague, mais non, ok. Moi c'est Balkis Sultan, j'ai 18 ans et je suis aussi en classe première ST2S1. Très bien. Et moi c'est Mélodie, j'ai 16 ans et je suis en première ST2S2. Ok, donc aujourd'hui, il se passe un truc particulier aujourd'hui, puisqu'il y a plein de monde qui a investi votre lycée, il y a des partenaires qui sont là. Ce matin, il y a eu donc la diffusion d'un court-métrage qui s'appelle, je crois, Sidération, et vous avez pu rencontrer la réalisatrice Gila Braoudet. Mais avant de rentrer dans l'explication de tout ça, comment ça vous a été amené, ce sujet des violences sexuelles faites aux enfants ? Est-ce que c'est vous qui avez demandé à ce qu'on puisse en parler au sein du lycée, ou est-ce que c'est un sujet qu'on vous a proposé ? Pour notre part, au premier ST2S1, c'était un sujet qu'on nous a proposé par le biais de notre prof de ST2S. Donc, ils nous ont proposé de parler de ça. On a parlé de ça et aujourd'hui, il y avait du coup la diffusion du court-métrage. Ok, d'accord. Donc, Belkis, toi, même chose, vous êtes dans la même classe. Et Mélodie ? Oui, c'est aussi un sujet qui a été proposé. D'accord. C'est un sujet qui vous parlait ou pas du tout ? Un petit peu. Ouais. Oui. Vous pensez que c'est important justement d'avoir des temps collectifs comme ça pour pouvoir évoquer ce genre de sujet qui est quand même, faut le dire, assez difficile à manipuler ? Oui. Oui. Oui. Moi, je trouve que c'est important. Ce matin, vous avez donc eu la projection du court-métrage Sidération. Vous pouvez me raconter un petit peu ce que raconte ce court-métrage que, je dois l'avouer, je n'ai pas vu ? Du coup, le court-métrage, il parle d'une, j'allais dire des jeunes dames, pas du tout, d'une dame qui a des enfants et qui vient de se souvenir, je crois, de tous ses souvenirs d'enfance. Des flashs, en fait. Oui, voilà. Oui. Elle a eu des flashbacks, en fait, de ce qui s'était passé quand elle était enfant. Et du coup, bah, il raconte un peu comment ça se passe pour elle, comment elle a fait pour l'expliquer à ses enfants, à ses deux grands-fils, qui du coup lui posaient des questions par rapport à ça, parce qu'ils voulaient quand même essayer de comprendre la vie de leur mère. Donc là, on parle évidemment de violences sexuelles qu'elle a subies, oui, de la part, oui, de gens d'extérieur ou de gens de sa famille. Est-ce qu'on sait ça dans le... Oui, de sa famille. De son oncle. Oh, d'accord. Son oncle du côté maternel. Ouais. Ouais. D'accord. Et après, le film, il raconte quoi? Donc, elle l'explique à ses enfants. Est-ce qu'elle se fait aider? Est-ce qu'elle va voir des partenaires? Est-ce que, comment après, ça se passe? Après, on a commencé à lui poser des questions par rapport à ce que nous, on pensait. Et du coup, à nous donner des réponses à nos questions. Ah oui, quand tu as discuté après avec Lila Braoudé, donc réalisatrice de ce film, ok. Mmh. Elle vous a raconté comment cette idée-là de faire ce film, elle lui est venue? Oui. Oui. Parce qu'elle l'a vécu. Ah, d'accord. C'était un petit peu sa manière de se libérer, de s'exprimer, de faire ce petit court-métrage, en fait. D'accord. Est-ce qu'il est bien fait, ce court-métrage? Oui. Oui. Oui, je trouve. C'est triste. Ouais. Est-ce que ça change votre regard, vous, sur un sujet comme celui-là? Est-ce que vous vous dites, par exemple, bah, en fait, c'est des choses qui arrivent, il y en a peut-être autour de nous, on ne se rend pas compte, c'est des choses dont on ne parle pas trop? Oui. En fait, ça m'a fait bizarre parce que c'est la première fois que je vois, du coup, une personne qui a vécu cette situation en face de moi. Donc ça m'a fait un peu bizarre. J'avais de la peine. De la peine. Et est-ce que tu trouves que c'est du courage aussi, quelque part? Ah oui, oui. Beaucoup. Ouais. Parce que du coup, elle nous avait dit qu'elle l'avait pas vraiment dit au début et qu'elle avait pris du temps pour du coup même dire à ses parents, même à sa mère, parce que même sa mère, elle le savait pas du coup. Ça fait vraiment de la peine, en fait, de parler avec quelqu'un qui a vécu des situations de la sorte. Ça, c'est touchant. D'accord. Mélodie? Oui, c'est vrai que c'est la première fois que je voyais une fille qui l'a vécu. Et du coup, elle a pu répondre à nos questions, c'était bien. Mmh. Aujourd'hui, vous êtes, collègues de lycée, on va dire. Mmh. Vous pensez que si quelqu'un était touché par ce type de violence sexuelle, vous avez des relais ici en interne au lycée, des personnes à qui en parler? Est-ce que vous auriez des conseils, par exemple? Admettons, quelqu'un vous écoute, là, quelqu'un du lycée. Qu'est-ce que vous aimeriez lui dire? Est-ce qu'il faut parler? Est-ce qu'il faut le garder pour soi? Qui faut aller voir? Est-ce que c'est possible de venir voir quelqu'un ici au lycée? Oui. Ouais. Déjà, tous les professeurs, ils sont là pour nous, du coup, on peut leur dire. Et si on a des potes ou des amis, du coup, on peut aussi parler. Il ne faut pas laisser ça pour soi-même. Il faut parler, il faut le dire, il faut dénoncer les choses comme ça. Mmh. Pas avoir honte. Oui. Ouais. Bon, après, ce n'est pas facile, mais quand même, je pense qu'il faut essayer de prendre la parole pour se libérer soi-même. Après, il y a des infirmières, des assistantes sociales au sein du lycée, donc ça va. Je pense que... On a un bon lycée, donc faut prendre courage et aller les voir. Et c'est dur de garder ça pour soi. Genre, je sais pas, je trouve ça lourd. Évidemment, ça l'est, oui. De l'exprimer aussi, je pense. Ouais. Donc en soi, c'est 50-50. C'est lourd de le garder, mais lourd de l'exprimer. Donc, je pense que la plupart des gens préfèrent le garder pour eux-mêmes. Une violence sexuelle, ça démarre par quoi, finalement? Est-ce que, parce qu'évidemment, on imagine tout de suite quelque chose qui irait loin, comme le viol, par exemple, mais est-ce qu'une violence sexuelle, ça peut être aussi des gestes déplacés, des choses comme ça? Est-ce que vous avez pu en parler entre vous, justement, de définir ce qu'est une violence sexuelle? Un peu. Un peu, ouais. On a les attouchements, sinon. Ce qui est aussi de l'inceste. Et, le viol. Vous savez qu'il y a un moment pour dire non, s'affirmer, effectivement. Le consentement. C'est ce que je voulais que vous disiez. Parce que c'est important d'attendre de la personne qui est en face de nous qu'elle soit... Qu'elle a ses choix. Qu'elle accepte. Et même si au bout d'une minute, elle ne veut plus, il faut respecter son choix. Non, c'est non. Exactement. Ouais. Mais c'est important de le dire. Oui. Parce qu'évidemment, on imagine que, là, vous êtes des jeunes femmes. Vous nous avez donné votre âge, mais on imagine que des enfants plus jeunes n'ont pas toujours la conscience qu'ils peuvent dire non et qu'ils ne comprennent pas toujours forcément ce qui leur arrive. Donc là, cet après-midi, vous allez avoir plein d'intervenants. Vous avez dû voir passer les gendarmes qui étaient là. Il y a France Victime, il y a la PMI, donc Protection Maternelle et Infantile. Vous allez aller voir ces partenaires-là pour voir un peu ce qu'ils proposent et leur poser des questions? Oui, on va aller les voir durant l'après-midi. Ok. Donc vous trouvez que cet événement, il est bien aujourd'hui? Oui, j'aime bien. C'est important, donc... Ouais. Oui. Ok. Bon, les filles... Je vais vous laisser aller voir les autres intervenants. Alors, en vous remerciant d'avoir témoigné pour nous, merci Meredith, merci Belkis, merci Mélodie. Merci à vous. Bonjour, je suis le docteur Lotion, je suis médecin de PMI et chef du service PMI du territoire nord-est du département, donc à Amboise. Pourquoi vous avez répondu favorablement à l'invitation du lycée Léonard de Vinci pour venir participer à cette journée d'information sur les violences sexuelles faites et particulièrement aux enfants ? Parce que c'est des choses qui font partie, alors pas de mon quotidien, mais quand même de la réalité du travail. Le lycée, c'est aussi un de nos partenaires. Je suis la chef du service du territoire, donc ça me paraissait évident. Sur ce thème qui est assez difficile, hein, évidemment, c'est un thème, on cherche toujours les mots à employer. Vous intervenez à quel niveau ? Alors moi, j'interviens plus au niveau que faire si on a une suspicion de violence sexuelle sur un enfant quand ils seront professionnels ou même actuellement sur un camarade. Comment le signaler ? Par quel chemin passer ? Et qu'est-ce qui va se passer derrière ? Et vous, à la PMI, vous touchez quel type de public ? Vous pouvez nous rappeler ? Alors la PMI c'est divisé en plusieurs parties en fait. On fait à la fois les consultations de pédiatrie préventive pour les enfants de 0 à 6 ans, mais on participe activement à la protection de l'enfance puisque le médecin de PMI est cadre référent sur les évaluations d'informations préoccupantes et le médecin de PMI est coordinateur santé des enfants qui sont confiés à l'ASE également. Quand vous dites que vous pouvez répondre à cette question qui est que faire, justement, que faire ? Et que faire ? Alors ça dépend si on est en tant que professionnel ou en tant que, pour l'instant ils sont encore jeunes, donc en tant que confident éventuellement d'un camarade, c'est comment, par qui passer pour faire un signalement ou une information préoccupante et qu'est-ce qui va se passer derrière ? Puisque la crainte souvent c'est de, si je parle, qu'est-ce qui se passe pour moi, pour mon ami ? Donc c'est d'expliquer un petit peu les chemins, comment se passe une évaluation d'information préoccupante et sur quoi ça peut découler derrière. Souvent, le questionnement aussi que peuvent se poser les jeunes, c'est on m'a dit ça, mais est-ce que c'est vraiment vrai ? Je ne sais pas. Si je le dis, est-ce que derrière la grande peur, hein, c'est toujours le placement ? Expliquer comment ça fonctionne pour expliquer qu'on ne passe pas directement d'une révélation à un placement, sauf dans des cas extrêmement graves, bien évidemment. Est-ce qu'on peut dire un mot des actions de prévention que met en place la PMI pour les plus petits ? Alors la PMI met en place différentes actions de prévention. Donc on a, comme on l'a dit, les consultations de pédiatrie préventive. On a aussi les puéricultrices qui vont à domicile en post-natal après une naissance ou sur simple demande pour tous les enfants de 0 à 6 ans. On travaille aussi très en lien avec les écoles puisque les puéricultrices de PMI sont les interlocutrices privilégiées des écoles pour de manière à orienter vers la PMI dès qu'il y a des inquiétudes, quelles qu'elles soient, au niveau d'un enfant. Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces informations. Bonjour, je m'appelle Marine Longin-Loher, je suis juriste au Conseil départemental de l'accès au droit d'Indre-et-Loire, donc le CDAD, qui est un groupement d'intérêt public sous le tribunal judiciaire de Tours. Et donc, on intervient aujourd'hui pour parler de la prise en charge des victimes de violences, sur comment informer et orienter une victime qui se confie à un travailleur. Très bien. Alors, je vous pose la même question qu'aux autres partenaires, mais pourquoi vous avez répondu favorablement à votre présence ici aujourd'hui à la demande du lycée ? On est présent aujourd'hui parce que le CDAD a pour mission donc de délivrer des informations gratuites et confidentielles, mais aussi de promouvoir la politique de l'accès au droit sur le territoire, notamment par des actions de sensibilisation et de permettre à tout professionnel, mais à tout usager du service public de la justice, qu'il est possible d'obtenir des informations dans les points justice, de manière gratuite et confidentielle. Donc c'est important pour nous que, dès le plus jeune âge, les jeunes soient sensibilisés aux dispositifs locaux d'accès aux droits. Les victimes qui viennent vous voir pour avoir des informations, elles sont orientées par d'autres partenaires qui gravitent autour de vous ? Alors on travaille en complète complémentarité. On travaille avec différentes associations. Comme je l'ai dit, le CDAD pilote et coordonne la politique de l'accès aux droits sur le département. Donc, on travaille avec toutes les associations qui font de l'accès au droit juridique, mais pas que. Donc, on travaille effectivement avec France Victimes, qui a cet accompagnement psychologique et juridique de la victime. Et puis, il va y avoir des questions d'ordre civil, par exemple un divorce, une problématique d'emploi, auxquelles France Victimes ne répond pas. Et on travaille également avec le CIDFF, le Centre d'information départementale du droit des femmes, à nouveau parce que on est en interdisciplinarité et il est toujours bon de savoir vers qui réorienter parce qu'il y a des accompagnements psychologiques que le CDAD n'offre pas mais qui est proposé par le CIDFF ou France Victimes. Et donc le CDAD, si j'ai des questions, je peux le rencontrer où, à quel moment, ou en tous les cas, où est-ce que je peux trouver ces informations? Alors le CDAD a 38 points justice sur le département d'Indre-et-Loire, donc on est bien représenté sur le territoire. Il est possible de prendre rendez-vous dans tous les points justice, soit en composant le 30-39, soit en contactant l'un des points justice dont la liste est disponible sur notre site internet. Eh bien super, merci beaucoup pour toutes ces informations. Je vous en prie, bonne journée. Robert Courtois, je suis médecin psychiatre à temps partiel au CHU de Tours, responsable du CRIAVS, centre ressources pour les intervenants auprès des auteurs de violences sexuelles. Alors le CRIAVS, avec ce que vous venez de nous expliquer sur ce sigle, ça sert à quoi? Quel est l'objectif de cet organisme? On est un petit centre, mais régional, 4 équivalents temps plein, et on intervient donc sur toute la région pour accompagner les professionnels, quel que soit leur champ disciplinaire, les professionnels qui ont affaire à des auteurs de violences sexuelles, donc concrètement des situations de violence, et on les accompagne pour en parler, pour en discuter, pour les former, pour prévenir, et tous les éléments qui peuvent contribuer à faire qu'ils prennent en charge ces personnes, par exemple dans les EHPAD, donc des résidents, dans les ITEP, donc d'ITEP aujourd'hui, ou DAM, pour les anciens IME, etc. et tout, des enfants, et en même temps qui les aident à grandir, à se développer et prévenir ou réfléchir aux enjeux de violence qui sont toujours là, possiblement là. Donc finalement, le public que vous accompagnez, il est très large? Oui, mais professionnel. Là, c'est exceptionnel qu'on intervienne auprès d'élèves. Alors, c'est une... Voilà, on avait accepté. La demande était un peu singulière. C'est une expérience menée avec beaucoup de... Enfin, je veux dire, de préparation. Et donc, on se disait que c'était intéressant. Mais c'est exceptionnel. On fait plutôt de la formation d'adultes ou de l'accompagnement d'adultes professionnels. J'ai envie de vous dire... Enfin, moi, je suis complètement admirative du travail que vous faites parce que c'est quand même un sujet très délicat. Ce sont des situations qui sont extrêmement lourdes. Qu'est-ce que vous répondez à un professionnel qui vient vous contacter? Alors évidemment, chaque situation est propre, mais vous commencez par quoi? La plupart du temps, on commence surtout par d'abord qu'ils nous décrivent la situation, ce qui les met en difficulté, le ou les met en difficulté. En général, c'est une équipe. Et puis derrière ça, à travailler aussi sur les attentes de ce professionnel, sur les représentations qu'ils ont des publics qu'ils accueillent, parce que c'est vraiment très important, parce que en fait, on ne peut pas aborder la question des violences sans aborder celle de la sexualité. Mmh. Autrement dit, si ce sont des jeunes, si ce sont des personnes âgées, qu'est-ce qui est possible ou pas dans les enjeux? C'est pas sexualité pour sexualité, c'est des enjeux affectifs. Mmh. C'est-à-dire que c'est en gros comment on est avec les autres, qu'est-ce qui est autorisé, comment on peut le gérer, et puis on renvoie des histoires de vie à des trajectoires, et donc derrière chacune des situations, essayer de comprendre tous les paramètres, donc tous les facteurs qui interviennent, et voir comment on peut agir. Et donc notre réponse est presque toujours plurielle, ça peut être ce travail sur les représentations, ça peut être une formation des professionnels qui voient plus clair après dans la manière d'interpeller leur public, de les accompagner, de dire ce qui est possible, pas possible, de savoir quand est-ce qu'il faut signaler, quand est-ce qu'il faut agir autrement, et etc. Donc on essaie de faire monter les compétences générales par nos quelques interventions, hein, on n'est pas très, voilà, on n'a pas beaucoup de ressources, donc de les amener à être plus à l'aise et donc plus efficient. Parce que un professionnel peut des fois penser bien faire et pas agir du tout comme il faudrait. Oui, penser bien faire, évidemment, on pense tous bien faire de prime abord, mais parfois on n'a pas les outils parce qu'on a encore une fois nos propres représentations. On pense voilà que c'est acceptable, tolérable. Par exemple, là, vous êtes dans un cadre donc sur l'inceste, un travail que les élèves font dans leur grand oral pour l'inceste. Il y a peut-être des situations qu'on n'avait pas pensé comme ça ou on ne réalise pas, et donc de pouvoir en parler par cet atelier qui est proposé ici par l'établissement me semble extrêmement bénéfique. Parce que au-delà des questions d'inceste, donc d'agression intrafamiliale, il y a aussi des questions d'agression extrafamiliale, donc la pédophilie, donc envers les enfants, les mineurs, et puis derrière, c'est les faire réfléchir à tous les enjeux de personnes qui sont à la fois des êtres chers, donc des parents, de la famille au sens large, et en même temps qui accompagnent, donc qui mettent dans une sorte de glu psychologique d'impossibilité sur des semaines, des mois, des années à se sortir d'eux, à réfléchir à comment c'est possible d'eux. Est-ce que l'enfant, le mineur peut avoir quelque part le sentiment que lui-même n'a pas dénoncé, qu'il a acquiescé, qu'il est impuissant? Ben, tous les éléments psychologiques qui vont être très très compliqués, et pour l'auteur et pour la victime, et c'est souvent pour ça que c'est douloureux ou compliqué dans les conséquences, parce que il y a vraiment des relations à long terme. Et donc pour revenir à votre question de départ, plus on forme les adultes, plus on les aide à prendre du recul, à se dégager de leur représentation initiale. Voilà, et donc à voir comment agir. Et on essaie de réfléchir avec eux, à repérer les meilleurs points d'entrée et tous les facteurs qu'on va appeler de vulnérabilité, avoir déjà vécu des relations dysfonctionnelles avec ses parents, avoir ou non déjà été abusé soi-même ou dans des familles où des choses ont pu se produire, toutes les formes de maltraitance, c'est ce qu'on appelle des situations adverses de l'enfance, donc toutes les relations difficiles, donc facteurs de vulnérabilité, et puis ce qu'on pourrait appeler des facteurs à risque, des situations personnelles compliquées, des éléments qui... Et souvent, donc, les auteurs sont presque toujours des gens vulnérables, mais un peu comme tout le monde, dans une sorte de continuum. C'est rare qu'on ait des gens, comme on le voit à la télévision, avec des choses récidivistes, monstrueuses, etc. Bien sûr qu'il y a des choses monstrueuses et terribles, mais la plupart du temps, c'est des choses... Comment dire ? Les victimes elles-mêmes sont moins critiques parce qu'elles connaissent les auteurs, ou excusez-moi d'une certaine manière, qui sont leurs parents. Oui, on en parlait tout voilà, temps. D'accord. Vous voyez bien de quoi je parle là. Et donc, pour revenir à ça, tout ce qu'on peut faire pour armer, au sens de aider à prendre du recul, les auteurs, les victimes, être très ferme sur la loi, le cadre du soin obligatoire. Et puis ne serait-ce que les mots à employer. Les mots, exactement, vont contribuer normalement à éclaircir. Et donc, on espère à faire de la prévention secondaire au minimum, mais aussi primaire. En fait, ce qu'on dit aux élèves, ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est que plus on en parle, plus on a de chance que l'auteur puisse aller vers le soin, que les victimes puissent signaler et aller vers le soin, être prises en charge. Que pour arrêter la violence, il faut tenter d'agir sur tous les phénomènes. La société, les auteurs, les victimes, tous les contextes qui peuvent les favoriser. J'ai encore envie de vous dire bravo pour votre travail, parce que si on va dans le bon sens, c'est grâce à des professionnels comme vous. Merci madame, c'est bon, c'est l'hôpital de Tours et puis un financement de l'ARS, hein, l'agence régionale de santé, comme vous savez. Mais effectivement... Sur le terrain, c'est quand même bien vous. Merci, oui. Merci beaucoup. Merci madame. Ilona Siabarazi, assistante sociale, service social en faveur des élèves. J'interviens une journée et demie par semaine au lycée Vinci. Ok. Qu'est-ce que vous pouvez me dire de cette journée qui a été organisée et pilotée grandement par Garlone Dreneuc, ici au lycée Léonard de Vinci, cette journée dédiée aux violences sexuelles faites aux enfants ? Eh ben, c'est une thématique importante à aborder auprès de nos jeunes. Alors les jeunes là, qui sont scolarisés en formation sanitaire et sociale et qui du coup vont être amenés à travailler auprès de personnes qui potentiellement ont pu être victimes de violences sexuelles ou de maltraitance. Et puis cette journée aussi avait pour objectif de participer à libérer la parole de nos jeunes qui malheureusement peuvent aussi avoir vécu cela. Vous, Ilona, dans le cadre de vos fonctions, vous avez affaire à ce type de situation ? Oui, oui, chaque année, la collègue infirmière et moi-même accompagnons plusieurs jeunes qui sont témoins ou victimes de violences, toute forme de violence, et de violences intrafamiliales ou extrafamiliales. On imagine, évidemment, vous êtes assistante sociale, donc le mot signalement fait partie des réalités de votre travail. Vous avez, on imagine, déjà été amenée à devoir employer ce moyen et comment est-ce qu'on le gère ? Oui, on fait beaucoup de signalements. On en fait des dizaines chaque année par établissement scolaire, effectivement. Donc c'est aussi une obligation pour nous en tant que fonctionnaires. Toujours dans l'idée de pouvoir protéger les jeunes. Donc bravo à eux de nous faire confiance, d'accepter de parler, parfois pour la première fois, il faut beaucoup de courage pour ça. Donc après, nous, notre rôle, c'est de les écouter, les croire, les accompagner, les soutenir. Donc quand c'est des violences extra-familiales, on travaille aussi avec les parents, pouvoir accompagner les parents pour que les parents accompagnent leur enfant, peut-être déposer plainte pour mettre en place aussi un suivi, des soins. Et puis on travaille avec les associations. Donc on remercie les partenaires là, d'avoir été présents. Mais c'est vrai que France Victime, CDAD, on fait appel à eux quotidiennement. Si des élèves du lycée Léonard de Vinci écoutent ce podcast, vous êtes à leur disposition à quel moment, Ilona, pour venir partager avec vous leurs difficultés ? Alors, je suis présente pour le lycée les mardis toute la journée et le vendredi après-midi. Donc, ils peuvent venir me voir directement et sinon, ils peuvent aussi se signaler auprès de la vie scolaire. Ils n'ont pas besoin d'expliquer le motif, hein, mais juste dire « je souhaite être contactée par l'assistante sociale scolaire ». Et donc, voilà, je leur ferai passer des petites convocations de façon discrète. Très bien, merci beaucoup. Je vous en prie, merci à vous. Alors, je suis Anne-Claire de Montoux, juriste et directrice adjointe de l'association France Victimes 37, association d'aide aux victimes d'infractions pénales. Vous pouvez nous expliquer le rôle de cette association ? Oui, alors c'est une association dans laquelle il y a plusieurs juristes ainsi qu'une psychologue. Nous recevons toute personne victime d'infractions pénales, hommes, femmes, enfants, adultes, dès lors que la personne est victime d'une infraction, donc des faits de vol, de viol, d'infractions de violence sexuelle, violence conjugale, etc., arnaque, etc. On est là pour donner de l'information juridique, pour apporter aussi un premier temps d'écoute, pour accompagner tout au long de la procédure pénale, expliquer la procédure pénale justement à toutes ces personnes, les accompagner dans ce chemin qui est souvent très long. Et puis, notre intervention est gratuite et confidentielle. Vous ne vous appeliez pas l'ADAVIP auparavant ? Exactement, c'est l'ancien nom et on a, parce qu'on est issu d'une fédération nationale, France Victimes, donc qui a changé le nom et pour harmoniser un petit peu sur toute la métropole. Donc on a effectivement, nous, ce nom France Victimes. C'est bien ce qui me semblait, j'avais déjà entendu parler. Comment vous faites pour accompagner au mieux quelqu'un qui va révéler une situation de violence sexuelle, par exemple, puisque c'était aujourd'hui le thème de cette journée ? Alors, dans un premier temps, on va lui donner beaucoup de temps pour l'écouter, la laisser parler, laisser la personne s'exprimer, décharger les choses. Parfois, lors d'un premier rendez-vous, il y a rien de juridique, hein, c'est uniquement de l'écoute. Ouais. Donc, une écoute privilégiée, c'est ce qu'on offre aux victimes. Ensuite, il y a ce temps d'information juridique. Donc, c'est d'expliquer et parfois de faire tomber certains a priori ou de fausses informations qui sont souvent véhiculées par l'agresseur, pour dissuader justement de dénoncer. Donc on va expliquer comment on se prépare à un dépôt de plainte, on va expliquer ce qui se passe après un dépôt de plainte, et on va expliquer chaque étape de la procédure pour essayer de dédiaboliser tout ça aussi, et puis accompagner, proposer l'accompagnement à tous les stades de cette procédure. Donc voilà, dans ce cadre-là, et respecter surtout le temps de la victime. Donc nos rendez-vous sont confidentiels. On n'ira pas dénoncer les faits à la place de la victime. On ne va pas la contraindre à déposer plainte, mais on va lui expliquer et respecter son temps. Et quand elle sera prête, on pourra l'aider, lui expliquer comment on dépose plainte, où on va, etc. C'est difficile pour une victime de parler ? Alors, oui, ça peut l'être. Parfois, des rendez-vous sont assez courts. Mais aussi, quand on laisse la parole s'exprimer librement et quand il y a une relation de confiance qui s'instaure assez rapidement, et quand les personnes savent que c'est confidentiel et que là, on a le temps de déposer, la parole se libère, finalement. Après, le temps du dépôt de plainte, c'est encore autre chose. Le temps de la dénonciation, c'est un autre temps aussi qu'il faut préparer. Et on aide à cette préparation, justement. Anne-Claire, aujourd'hui, on a fait le tour de beaucoup de partenaires dans le cadre de cette journée. J'ai envie de vous poser cette question un peu plus personnelle à vous, mais comment on fait pour gérer les situations que vous accompagnez ? D'un point de vue personnel, il faut arriver à se blinder, il faut vraiment faire la part des choses. Moi, j'ai envie de vous dire bravo, je l'ai déjà dit tout à l'heure à d'autres intervenants, mais comment vous faites pour prendre cette distance ? Alors c'est une question qui nous a été posée, m'a été posée tout à l'heure justement par une lycéenne. Alors au sein de notre équipe, en tout cas à France Victimes, on est très proches et on a une entente assez remarquable. Et c'est un de nos atouts. On arrive à beaucoup échanger sur les situations entre nous. Alors il faut avoir un peu de recul, ça c'est certain, mais pas trop non plus parce qu'on est toutes quand même dans l'empathie. Il faut une fibre pour pouvoir recevoir des victimes. Donc on a forcément une fibre sensible, bienveillante, et puis un petit recul nécessaire pour effectivement ne pas être trop affecté par tout ce qu'on entend, parce qu'effectivement on ne reçoit que des personnes victimes. Donc tous les jours on est dans les violences conjugales, les violences sexuelles, l'inceste qui a été évoqué ce matin dans le court-métrage. Et puis l'idée aussi c'est de se réunir tous les vendredis après-midi et d'échanger sur nos situations et d'évacuer aussi par ce biais-là. Et puis, je pense que c'est commun à toutes mes collègues et à moi, le fait de se sentir un petit peu utile à un moment donné dans l'étape des personnes victimes, ça nous aide aussi à avancer, à continuer dans cette voie. Et je pense surtout aux enfants victimes qu'on accompagne beaucoup. C'est une mission qui nous tient particulièrement à cœur. Quand on échange avec les enfants, qu'il y a un lien de confiance qui se crée, on se dit qu'on a une toute petite utilité dans toute la chaîne pénale et c'est ça qui nous fait continuer et avancer. Et vous dites toute petite avec beaucoup de modestie, mais je pense que votre action est grande. Merci beaucoup Anne-Claire. Merci beaucoup à vous. Et pour clôturer ce reportage aujourd'hui au lycée Léonard de Vinci sur cette journée dédiée aux violences sexuelles faites aux enfants, nous avons l'équipe de gendarmerie avec nous. On a pas mal échangé là hors antenne et je l'ai dit déjà à beaucoup d'intervenants, mais je vais me répéter, tant pis pour les auditeurs. Bravo pour votre boulot parce que c'est costaud, c'est du lourd. Est-ce que vous avez eu des questions aujourd'hui de jeunes auxquelles vous ne vous attendiez pas ? Ils ont été surpris parce qu'ils ont été très réactifs. Ils ont bien préparé leur sujet. Mais non, en fait, il n'y a pas eu vraiment une question surprenante. Plutôt intéressée, ça oui, très intéressée, pertinente. Ils ont conscience quand même de ce qu'ils vont pouvoir devoir faire dans le futur, dans le cadre de leur future profession. Parce que beaucoup s'orientent quand même sur l'action sociale. Mmh. Ça peut être infirmier, on a eu des éducateurs spécialisés. Certains qui veulent devenir pompiers pro, animateurs, coachs sportifs. Donc, dans tous ces métiers-là, ils peuvent être amenés effectivement à être confrontés à des personnes qui viennent se confier à eux. Et ils ont conscience de pas mal de choses, quoi. Donc, le sujet, ils l'ont bien étudié en classe. En fait, on était peut-être plus surpris dans le bon sens en se disant que c'était extrêmement bien préparé et les questions étaient extrêmement pertinentes. C'est des questions que nous-mêmes, on aurait pu poser en tant que gendarmes. Hein. Donc... Ils avaient connaissance pour certains des dispositifs qui peuvent exister, comme cette maison de protection des familles qui existe à Tours ? Alors certains oui, d'autres non. Donc c'est pour ça que au départ on s'est bien présenté pour expliquer les différents services dans lesquels nous sommes et on représente. Il y en avait qui savaient, d'autres non. Donc c'est pour ça qu'on a bien expliqué les différentes missions que l'on fait au sein de nos unités respectives. Parmi toutes les actions, évidemment, que réalise la gendarmerie, il y a la prise de plainte, évidemment. Une victime de violence qui nous écouterait, est-ce que vous pouvez lui expliquer comment ça se passe concrètement, un dépôt de plainte ? Alors déjà, dans un premier temps, nous, sur le sujet sur lequel on s'arrête et on prône ça, c'est surtout l'accueil de cette victime, parce qu'on sait très bien qu'un mauvais accueil, cette victime, on n'est pas sûr de la revoir. Donc nous, on a une attache particulière à l'accueil de cette victime. Et se dire que déconstruire un peu certains préjugés, se dire que ce soit en gendarmerie ou en police, on est de mieux en mieux formé par rapport à ce contentieux. Et si on doit dire quelque chose à une victime, c'est même si on sait que c'est compliqué, il y a des gens qui sont formés et qui sont là pour écouter ces victimes-là. On essaye le mieux possible de les accueillir dans des bonnes conditions, parce que c'est on fait aussi avec ce qu'on a sous la main. Mais le but, c'est de les accueillir le mieux possible pour qu'elles se sentent vraiment en confiance et le mieux possible pour arriver à déposer la lourdeur de ce qu'elles ont vécu. Parfois, la personne peut avoir honte de ce qu'elle a été victime. Et en fait, il ne faut pas qu'elle honte. Il ne faut pas oublier qu'elle a été victime, que c'est une victime et qu'elle doit être traitée... Elle est traitée comme telle et la honte ne doit pas être portée sur elle. Donc, il ne faut pas qu'elle hésite. Il faut qu'elle vienne, même si elle a des tas de questions sur la procédure, qu'est-ce que ça peut entraîner. On peut effectivement tout à fait s'imaginer que de dire oui, mais si je fais ça, qu'est-ce qui va se passer après ? Ça, chaque chose en son temps. Elle peut venir se présenter dans n'importe quelle gendarmerie, n'importe quel commissariat de police. Se présenter, confier ce qu'elle a à dire. Et après, nous, on prendra sa plainte si elle désire déposer plainte. Et derrière, on pourra également l'aiguiller, l'orienter vers d'autres organismes, notamment France Victimes, que vous avez dû voir. Voilà. Donc il y a quand même énormément de choses qui ont été mises en place ces dernières années qui vont dans le bon sens, qui vont dans le sens des victimes. Donc il faut surtout qu'elles n'hésitent pas. Et peut-être dernière question, je regarde Maxime, mon collaborateur qui est en technique et qui se posait cette question. Est-ce que l'expansion des réseaux sociaux, de l'Internet, des TikTok, de toutes ces choses-là, est-ce que ça conduit à plus de violence aujourd'hui ? Alors, je vous vois soupirer. Vaste sujet, évidemment, mais dans les grandes lignes, est-ce que ça y contribue ? Puisque on a l'impression qu'effectivement, il y en a de plus en plus. Je pense qu'on va dire que ça n'aide pas. Et... Nous, on est beaucoup confrontés à ça et on a beau faire de la prévention, que ce soit dans les établissements scolaires, les collèges, les lycées, etc. On a l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui sont mises en place par rapport à tout ça. Et pourtant, il y a toujours autant de faits qui sont remontés. Alors, le côté positif, on va dire que c'est que la parole se libère. Du coup, peut-être que ça peut aider aussi. Mais effectivement, je ne suis pas sûre que ça aide à 100%. C'est une réponse. Ouais. Merci. C'est compliqué, c'est un vaste débat. Les réseaux, c'est surtout ce que l'on fait des réseaux qui pose problème. C'est pas tellement les réseaux en soi. Tout le monde utilise des réseaux. Les associations également d'aide aux victimes vont utiliser des réseaux. La gendarmerie, on utilise des réseaux. C'est pas tant le problème des réseaux, c'est le problème de ce qu'on en fait. C'est ça le souci, plutôt. Parce que les réseaux peuvent être utiles pour justement faire venir les victimes, faire comprendre aux personnes qu'il faut pas hésiter à nous rapporter des faits de ce qu'ils ont pu être témoins ou de ce qu'ils ont été victimes. Et voilà, ils n'ont pas hésité. Et ça, c'est, les réseaux, encore une fois, c'est très vaste. C'est vraiment un sujet très vaste. Est-ce que ça répond à ton questionnement, Maxime ? Oui. Merci beaucoup à tous les deux et bravo encore une fois pour votre action et votre empathie parce que c'est important d'en avoir, dans toute proportion gardée, mais en tous les cas, bravo et merci. Merci à vous, c'est gentil. Merci à vous aussi, merci. Cette journée au lycée Léonard de Vinci l'a montré, parler des violences sexuelles faites aux enfants reste difficile, mais c'est indispensable. Informer, prévenir, rappeler que des adultes et des structures existent pour écouter, accompagner et protéger, c'est tout l'enjeu de cette rencontre. Alors si toi ou quelqu'un de ton entourage a besoin d'aide, il est important de ne pas rester seul et d'en parler à une personne de confiance ou à un professionnel. C'est la fin de ce mag, vous pourrez le retrouver en podcast sur notre page Facebook Radioactive 93 et 94.7 FM. Un beau jour, ou peut-être une nuit, près d'un lac, je m'étais endormie, quand soudain, semblant crever le ciel, et venant de nulle part, surgit un aigle noir. Lentement, les ailes déployées, lentement, je le vis tournoyer près de moi, dans un bruissement d'ailes, comme tombé du ciel, l'oiseau vint se poser. Il avait les yeux couleur rubis et des plumes couleur de la nuit. À son front brillant de mille feux, l'oiseau roi couronné portait un diamant bleu. De son bec, il a touché. Retrouvez le mag et toutes vos émissions préférées sur radioactivefm.fr.